Tous les jours, je lis du George Sand et je m'indigne pendant un quart d'heure. Écrit Flaubert à son ami Louis Bouillet le 30 mai 1855, quelque temps avant de rencontrer George Sand en personne et de nouer avec elle une amitié puissante et sincère. Quand Flaubert grandit, George Sand est devenu un écrivain incontournable. Comment donc devenir Flaubert pendant l'ère sandienne? Elle incarne tout ce qu'il déteste. Le sentimentalisme, le romantisme, la littérature féminine, la prétention morale. Et pourtant, leur correspondance est sublime, drôle, émouvante, et leur amitié, par-delà leurs désaccords profonds, un modèle du genre. Ma grand-mère et son ami Flaubert se revoyaient enfin. Ils s'étaient connus au début des années 60. Nous étions maintenant en 72, et leur amitié était restée essentiellement épistolaire, car Flaubert avait obstinément décliné les invitations répétées de ma grand-mère. Elle se décida un beau jour. J'arrive à Rouen à 1 heure. Flaubert m'attend à la gare et me force à aller pisser pour que je ne devienne pas comme Sainte-Beuve. Ta mère est une vieille dame charmante. Oh, elle fait aller. Mais il se fait tard. Voulez-vous aller vous coucher, maître? Penses-tu? Et puis je tiens absolument à ce que tu me lises ton Saint-Antoine ce soir. Je vous préviens qu'on en a pour jusqu'à 5 heures du matin. Non, je me sens très bien. Allons-y, seulement... Dites, cher bon maître. Non, tu vas me trouver parfaitement affreuse. Mais j'ai à nouveau faim. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Il reste du poulet froid. Tu crois? Oui. Oh, j'oserais pas. Toute la nuit, tu crois? Ah. Oh, il est encore meilleur qu'à dîner. Ah, c'est toujours meilleur la seconde fois. Mmh. Oh. Voilà l'imbécile que tu aimes et que tu appelles maître. Un joli maître qui aime mieux s'amuser que travailler. Nous sommes, je crois, les travailleurs les plus différents qui existent. Mais puisqu'on s'aime comme ça... Bonjour Thierry Poyet. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro pour parler de la correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert. Vous êtes romancier, maître de conférences en littérature française. Vous enseignez à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste de la seconde moitié du 19e siècle. Vous avez beaucoup écrit sur Flaubert. Vous avez fait paraître une biographie Flaubert aux éditions Ellipse. Et donc la correspondance Flaubert-Sand, l'amitié entre Flaubert et George Sand. Vous avez entendu un extrait de George Sand ou l'art d'être grand-mère. C'était une fiction France Culture diffusée en 1991. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a envie de les rejoindre et manger du poulet avec les doigts au milieu de la nuit. C'est une image fidèle de ce qu'était leur amitié aussi. Oui, en partie du moins, parce que cette amitié a commencé avec un certain nombre de difficultés. Le jeune Flaubert, on l'entendait dans cette introduction, le jeune Flaubert n'apprécie pas beaucoup la littérature sandienne. Ça correspond à un romantisme dans lequel il a baigné pendant toute sa jeunesse, mais c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'écriture qui doit être la sienne. Il a envie de tourner la page de cette littérature-là. Et donc, il a un regard sur George Sand qui est un regard assez négatif. Il s'en moque volontiers, que ce soit dans sa correspondance avec d'autres amis, avec Louise Collet dont vous parliez hier, ou que ce soit même dans ses premiers romans de jeunesse, dans la première éducation sentimentale, celle de 1845. Il racontait, il faisait dire du moins à un de ses personnages que George Sand était la romancière préférée des écoliers de quatrième, ce qui dans sa bouche évidemment était très péjoratif. Et pourtant, il se rencontre au théâtre des Lodéon, c'est ça la première fois, le 30 avril 1857. Elle est plus âgée que lui, elle a 17 ans de plus que lui. Qu'est-ce qui fait que malgré ses préjugés, une amitié va naître? Le personnage de Flaubert est très paradoxal, justement. Il a envie de tourner la page de ce romantisme-là, et en même temps, les grandes figures de cette littérature romantique, donc Victor Hugo, donc George Sand, ce sont, à défaut d'être des modèles, ce sont tout de même des gens qui l'inspirent, des gens qui l'admirent, et donc il y a l'envie chez le jeune Flaubert, celui qui vient de publier Madame Bovary, au fond, de rencontrer aussi le succès. Donc d'une certaine manière, comment faire si on doit faire autrement que Victor Hugo ou George Sand? Donc en se rapprochant de ces gens-là, c'est une manière pour lui de mieux comprendre ce qu'est la littérature de l'intérieur. Il arrive de Rouen, il arrive au fond de la province. C'est un petit provincial qui ne connaît pas les usages parisiens, même s'il est issu d'une famille de notables et d'une famille très riche. Et il a besoin, au fond, de se sentir exister dans ce milieu littéraire au sein duquel, finalement, il n'a pas encore sa place. Mmh. Et donc, très vite, justement, il va essayer de devenir l'ami de tous ces gens-là. Le succès à scandale de Madame Bovary, avec le procès, lui ouvre beaucoup de portes. Et au fond, la vraie rencontre avec George Sand, elle se fait davantage encore dans les années 60, avec les fameux dîners Magny. Que sont ces fameux dîners Magny? Alors, les dîners Magny, c'est le nom d'un restaurant de l'époque, restaurant en vue, le restaurant Magny. Et un beau jour, Gavarni a décidé d'inaugurer un dîner qui réunirait un certain nombre d'artistes, un certain nombre d'écrivains. Flaubert n'en est pas pour le premier de ses dîners, il n'en est pas. Il y a les Goncourt, il y a Gavarni, etc. Et puis, il est là dès le deuxième ou le troisième de ses dîners et très vite, une femme, une seule femme, ouais, aura droit de présence dans ce dîner Magny, ce sera George Sand. Et les deux écrivains, Flaubert et George Sand, au cours de ces dîners Magny, vont se rapprocher, littérairement j'entends, vont avoir beaucoup d'échanges, à tel point que les frères Goncourt, dans leur journal, avec leur médisance habituelle, voudront soupçonner une relation autre que littéraire. Alors qu'il n'en est rien. Enfin, il y a beaucoup d'échanges affectueux et d'une forme d'amour aussi, mais ça reste platonique. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait platonique parce que la nature de ce lien est au contraire une nature de maternelle, filiale. Mmh. Gustave Flaubert va trouver dans George Sand une mère de substitution. C'est très net à partir de 72, évidemment, lorsque la mère de Flaubert décède, l'écrivain qui a tout de même 50 ans est complètement bouleversé. Vraiment, c'est un choc très très dur pour lui. Il ne sait pas auprès de qui se tourner au fond. Il a besoin de réconfort. Sa famille est au fond une source de réconfort très insuffisante pour lui. Il est très très proche de sa nièce, mais pas du tout de son frère aîné. En perdant sa mère, il se sent seul et il y a donc quelqu'un qui va apparaître comme un vrai réconfort possible, c'est George Sand, et qui va vraiment lui donner un amour maternel, peut-être plus même que sa propre mère. Mmh. George Sand trouve au fond dans Gustave Flaubert un second fils. Hein. Elle a Maurice auprès d'elle, à Nohant. Elle aime beaucoup son fils, mais avec Gustave Flaubert, il y a vraiment cette relation filiale. Elle va lui donner des conseils, elle va essayer de le prendre sous son aile. Elle a envie vraiment de dépasser la seule relation littéraire qu'il pouvait entretenir pour en faire une relation d'amitié tout à fait singulière. Ouais. On va plonger dans cette correspondance et vraiment j'en suis très heureuse parce que c'est une correspondance assez incroyable et où s'opposent, voire s'affrontent, deux visions très différentes de l'écriture et de l'art. Avant cela, pour bien comprendre de quoi il s'agit, Thierry Poyer, un mot sur George Sand elle-même. Vous avez dit, à l'époque, quand Flaubert veut devenir écrivain, c'est Hugo et Sand. Elle était connue à ce point? Oui, Sand est très connue. Elle est entrée en littérature de manière un petit peu détournée parce qu'il faut se replacer dans le contexte de cette première moitié du 19e siècle où, au fond, pour une femme, faire de la littérature, ça n'est pas forcément très bien vu et on préfère évidemment que les femmes soient derrière leur fourneau. Donc, son entrée en littérature est difficile. Elle est obligée de passer par des amis masculins. Et en l'occurrence, elle va commencer d'écrire avec Jules Sandeau. C'est de Jules Sandeau, qu'elle empruntera son pseudonyme. Parce qu'elle s'appelle Aurore Dupin. Bien sûr, et ça n'a rien à voir avec Sand, mais Sand, c'est Sandeau coupé. Voilà. Et puis, petit à petit, donc, elle écrit beaucoup. Donc, elle écrit des romans qui vont la faire connaître, qui sont vraiment dans l'air du temps, vraiment dans l'esprit romantique, donc qui lui assurent un vrai lectorat, peut-être davantage un lectorat féminin, mais en tout cas un vrai lectorat. Mmh. Et puis, au fil des années, George Sand, comme tous les romantiques, comme Lamartine en 48, comme Victor Hugo, se mêle de politique. Et la révolution de 1848 va être un moment très fort dans l'existence de George Sand, qui espère évidemment en une transformation de la société. C'est quelqu'un qui a l'âme républicaine. Sous la plume de Flaubert, ça deviendra l'âme socialiste, et c'est très péjoratif là encore, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'implique dans la vie de la société et qui va devenir quelqu'un, oui, de très important à la fin des années 40. Ses romans rencontrent le succès et à l'époque, le succès littéraire passe par le théâtre. George Sand n'a aucun scrupule à transformer ses romans pour le théâtre, à les adapter. Et elle va rencontrer un certain nombre de succès très importants sur les planches qui vont contribuer à leur tour à asseoir sa popularité. Ce qui la rend vraiment connue, c'est Indiana, c'est ça qui part en 1932 ? Oui, c'est vraiment le premier grand texte, mais il y aura beaucoup de... Parce qu'on l'étudie plus tant que ça aujourd'hui, George Sand. George Sand paraît un peu démodé. Alors, on a tendance encore à faire étudier aux collégiens certains de ses romans champêtres, où on les étudiait encore il y a quelques années. La mare au diable, ça fait partie des textes qui sont connus à peu près de tout le monde, en tout cas le titre. Mais on lit très peu aujourd'hui George Sand, et pourtant, au milieu des années 70, quelques temps avant sa mort, elle envoie justement à Flaubert ses œuvres complètes et il y a plus de 70 volumes. Donc, 70 volumes ? Oui. Donc il y a une publication qui est très importante en quantité, mais aussi en qualité. Il y a une réédition en ce moment complète des œuvres de Sand qui est en cours, parce que c'est vrai qu'il y a une véritable œuvre que l'on a un peu oubliée, mais qui existe. Et en tout cas, lire cette correspondance Flaubert-Sand, donne très envie de lire les textes, les romans, le théâtre de George Sand. Voici une première lettre envoyée par Gustave Flaubert à George Sand, rédigée les 23 et 24 janvier 1867. Écoutez comment le type de relation qu'ils vont nouer est nommé par Flaubert. Vous avez dit amour maternel et filial. Sans doute, il y a peut-être aussi autre chose. J'ai suivi vos conseils, cher maître. J'ai fait de l'exercice. Suis-je beau, hein? Dimanche soir, à 11h, il y avait un tel clair de lune sur la rivière et sur la neige que j'ai été pris d'un prurit de locomotion, et je me suis promené pendant 2h30, me montant le bourrichon, me figurant que je voyageais en Russie ou en Norvège. Quand la marée est venue et a fait craquer les glaçons de la Seine, et l'eau gelée qui couvrait les cours, c'était, sans blague aucune, superbe. Alors j'ai pensé à vous, et je vous ai regretté. Je n'aime pas à manger seul. Il faut que j'associe quelqu'un ou l'idée de quelqu'un aux choses qui me font plaisir. Mais ce quelqu'un est rare. Je me demande, moi aussi, pourquoi je vous aime. Est-ce parce que vous êtes un grand homme ou un être charmant? Je n'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'éprouve pour vous un sentiment particulier et que je ne peux pas définir. Et à ce propos, croyez-vous, vous qui êtes un maître en psychologie, qu'on aime deux personnes de la même façon? Et qu'on n'éprouve jamais deux sensations identiques? Je ne le crois pas, puisque notre individu change à tous les moments de son existence. Vous m'écrivez de belles choses sur l'affection désintéressée. Cela est vrai, mais le contraire aussi. Nous faisons toujours Dieu à notre image. Au fond de tous nos amours et de toutes nos admirations, nous retrouvons nous, ou quelque chose d'approchant. Qu'importe si nous est bien, mon moi m'assomme. Pour le quart d'heure. Comme ce coco-là me pèse sur les épaules par moments, il écrit trop lentement et ne pose pas le moins du monde quand il se plaint de son travail. Quel pince-homme et quel diable d'idée d'avoir été chercher un sujet pareil. Vous devriez bien me donner une recette pour aller plus vite et vous vous plaignez de chercher fortune, vous. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la correspondance de Gustave Flaubert nous accompagne jusqu'à jeudi et ce matin, la correspondance entre Flaubert et George Sand. Vous venez d'entendre une première lettre lue par Bernard Gabay. Beaucoup de choses dans cette lettre, hein, Thierry Peuillet, notamment, difficile de ne pas remarquer que lorsqu'il veut faire le plus grand des compliments à George Sand, eh bien, il l'appelle un grand homme ou un être charmant. Il faut que ce soit un homme pour qu'il puisse l'apprécier. Oui, reconnaissons-le, il y a quelque chose de misogyne chez Flaubert, bien sûr. C'est un écrivain qui s'est toujours entouré d'hommes écrivains, des gens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, Louis Bouillet, Ernest Feydeau, etc. Plus tard, évidemment, le jeune Guy de Maupassant. Il y a l'idée que la littérature se fait entre confrères. Il aime bien, on le sait moins, il aime bien écrire à quatre mains. Il a projeté différentes œuvres avec ses amis. qu'il a parfois commencé d'écrire, et parfois les projets ont même été menés à leur terme. La femme dans tout cela, c'est le personnage qui dérange un petit peu. La femme autorisée, au fond, dans l'antre de Croisset pour Flaubert, c'est maman. Croisset, donc, c'est le village où il habite. Voilà, c'est le village où il habite et dont il sort très peu, en réalité. Enfin, là aussi, paradoxalement, il séjourne parfois très, très longuement chez lui. Il ne voit personne. Il refuse d'avoir la moindre vie sociale. Et ensuite, il file parfois à Paris ou pendant des semaines. Là, on est dans la vie mondaine. Mais pour en revenir donc à la question de la femme, voilà. À part la mère, Flaubert a beaucoup de mal justement à supporter des présences féminines parce qu'il considère, de manière donc très misogyne, que la femme va le divertir, va l'empêcher de créer son œuvre littéraire, donc il écarte les femmes. Et quand les femmes se mêlent de littérature, selon lui, évidemment, elles sont relativement mauvaises, sinon très mauvaises. C'était le cas avec Louise Collet, devant laquelle, en gros, il a généralement méprisé les œuvres qu'elle pouvait produire. C'est le cas très longuement avec George Sand. Au fond, le seul compliment qu'il trouvera à lui adresser, le seul vrai compliment littéraire, c'est quelquefois de lui confesser qu'il a pleuré en lisant telle ou telle page d'un roman de Sand. Donc une charge d'émotion très forte dans l'œuvre de George Sand, c'est le compliment qu'il lui adresse. En réalité, on sait que dans l'esthétique flaubertienne, ce n'est absolument pas un compliment, parce qu'une œuvre qui émeut de la sorte, ça n'est pas forcément très bon. Donc la femme, oui, il la rejette, et il y a beaucoup de lettres où il évoque finalement cet hermaphrodisme qu'il recherche. Et avec George Sand, il y a une lettre aussi où c'est assez fort. Formidable, c'est une lettre de 1868 où il lui indique tout simplement, et vous voyez, ça a donné une chanson un siècle plus tard que tous les adolescents connaissent, le troisième sexe. Il lui indique qu'elle appartient au troisième sexe. Et il invente véritablement cette formule, vous qui êtes du troisième sexe. Je me suis demandé en la lisant cette lettre si c'était lui qui a inventé l'expression ou pas, donc vous confirmez. Écoutez, on prend toujours quelques risques quand on prétend cela, mais je ne connais pas cette expression ailleurs que sous la plume de Flaubert. Comme s'il fallait inventer un terme pour justifier à lui-même cette relation. En fait, c'est vrai qu'on voit bien dans sa correspondance qu'il a un problème avec le féminin, avec la littérature dite féminine, ce qui est pour lui synonyme de sentimental. Et pourtant, il y a quand même une ambivalence. On a l'impression, et c'est là où la correspondance avec George Sand est géniale, c'est qu'elle pointe bien les choses et elle semble finalement montrer à Flaubert lui-même que peut-être que ce qu'il prône comme étant une position esthétique radicale serait aussi un mécanisme de défense. Peut-être qu'au fond, il n'ose pas ausculter ce moi dont il se défend absolument. Vous l'avez entendu dans la lettre, hein, son moi, il dit « mon moi m'assomme, ce coco-là me pèse sur les épaules ». Et lui dit « mais enfin Flaubert, tu sais très bien qu'on écrit avec son moi ». Il y a quelque chose de presque soulageant pour le lecteur de lire les objections que lui adresse George Sand, parce qu'on dit « ah bah quand même, quelqu'un lui oppose ça, et voilà, et peut-être a-t-elle raison, qu'en pensez-vous ? Alors, a-t-elle raison ? Je n'en sais rien. Je suis parfaitement d'accord avec vous pour considérer que nous, lecteurs, nous nous sentons plus proches de George Sand dans ses positions esthétiques-là que de celles de Flaubert, qui paraissent vraiment très théoriques, très idéalisées aussi. Mmh. Du côté de Flaubert, évidemment, il y a la crainte de laisser ce moi s'épancher. Ouais. Il a peur, justement, de ce qu'il pourrait dire au public, et il répète régulièrement dans les lettres à George Sand notamment qu'il ne veut rien donner de lui au public. Il pense beaucoup de choses, il ressent beaucoup de choses, mais il faut garder cela secret. C'est sa théorie de l'impersonnalité. Voilà, absolument. L'impersonnalité qui consiste justement à garder beaucoup de choses secrètes et à rechercher uniquement finalement une sorte d'émotion esthétique. Chez George Sand, bien entendu, il a le sentiment d'un art qui se veut d'abord utile. George Sand le lui dit, il faut écrire pour nos contemporains parce qu'ils ont besoin de nous. Et au fond, pour George Sand, il y a toujours derrière cela une volonté aussi un petit peu politique. D'ailleurs, il faut que les livres qu'elle écrit puissent servir au lecteur et à un lectorat aussi large que possible. Et lui, c'est son cauchemar. Il veut surtout pas être utile à ses contemporains. Il n'écrit que pour la postérité. Surtout pas. Au fond, ne pas être lu de ses contemporains ne lui déplaît pas autant que cela devrait. Alors, c'est aussi une posture parce que, disons-le tout net... Bah, il en souffre aussi. Voilà, Gustave Flaubert n'a pas rencontré le succès pendant toute sa carrière littéraire. Le seul vrai succès, au fond, c'est celui de Madame Bovary. Mais c'est le procès et le côté scandaleux du roman qui crée ce succès. Certains de ses romans suivants sont vraiment des fours pitoyables. Il aura aussi une pièce de théâtre qui sera un four pitoyable. Il ne rencontre pas le succès, alors que George Sand, elle, rencontre le succès. Et George Sand lui dit d'ailleurs que ce succès-là n'est pas du tout honteux et qu'au contraire, elle est tout de même bien contente de recevoir un peu d'argent. Et ça fait bouillir la marmite aussi à Nohant. Pauvre cher ami, je t'aime d'autant plus que tu deviens plus malheureux. Comme tu te tourmentes et comme tu t'affectes de la vie. Car tout ce dont tu te plains, c'est la vie. Elle n'a jamais été meilleure pour personne et dans aucun temps. On la sent plus ou moins, on la comprend plus ou moins. Et plus on est en avant de l'époque où l'on vit, plus on en souffre. Nous passons comme des ombres sur un fond de nuages que le soleil perce à peine et rarement. Et nous crions sans cesse après ce soleil qui n'en peut mais. Mais c'est à nous de déblayer nos nuages. Tu aimes trop la littérature, elle te tuera. Et tu ne tueras pas la bêtise humaine. Pauvre chère bêtise, que je ne hais pas moi, et que je regarde avec des yeux maternels. Car c'est une enfance, et toute enfance est sacrée. Quelle haine tu lui as vouée, quelle guerre tu lui fais. Tu as trop de savoir et d'intelligence, mon cruchard. Tu oublies qu'il y a quelque chose au-dessus de l'art, à savoir la sagesse, dont l'art, à son apogée, n'est jamais que l'expression. La sagesse comprend tout, le beau, le vrai, le bien, l'enthousiasme par conséquent. Elle nous apprend à voir, hors de nous, quelque chose de plus élevé que ce qui est en nous, et à nous l'assimiler peu à peu par la contemplation et l'admiration. Mais je ne réussirai pas à te changer. Je ne réussirai même pas à te faire comprendre comment j'envisage et saisis le bonheur, c'est-à-dire l'acceptation de la vie, qu'est-ce qu'elle soit. Il y a une personne qui pourrait te modifier et te sauver, c'est le père Hugo, car il a un côté par lequel il est grand philosophe, tout en étant le grand artiste qu'il te faut et que je ne suis pas. Il faut le voir souvent, je crois qu'il te calmera. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Tu aimes trop la littérature, elle te tuera, écrit George Sand à Gustave Flaubert le 8 décembre 1874. Il faut prendre cette formule au sérieux, Thierry Poyet, parce que ça veut vraiment dire que on pourrait tracer l'opposition entre les deux écrivains de cette manière. Sand, George Sand est du côté de la vie, elle le revendique. Flaubert est du côté de la littérature, au dépens de l'existence elle-même. Bien sûr, pour Flaubert, au fond, la seule raison de vivre qui puisse exister pour lui, c'est la littérature, c'est la création littéraire. Il n'a rien d'autre à faire, au fond, sur Terre que créer une œuvre, et créer une œuvre dont il a le sentiment que personne avant lui ne l'a conçu tel qu'il la conçoit. Donc c'est vrai que pour Flaubert, la littérature est tout. Et puis, il y a probablement à la racine de cela une sorte, on parlait de misogynie, mais une sorte de misanthropie chez Flaubert. Oui. Il n'aime pas beaucoup ses contemporains, ça n'est rien de le dire. Et au fond, s'enfermer chez lui à Croisset, devant sa table de travail pour écrire une œuvre, c'est éviter de voir les autres. Dans la lettre que vous lisiez, George Sand parle de ce combat que mène tout au long de sa vie Flaubert contre la bêtise. Alors ça nous donne, pour nous lecteurs, des pages formidables. Ce sont celles de Bouvard et Pécuchet, ce sont celles du dictionnaire des idées reçues. C'est époustouflant comme littérature. Mais dans l'existence de Flaubert, c'est tout de même une situation très difficile. C'est quelqu'un qui réagit de manière épidermique à tout ce qui se dit autour de lui, qui perçoit sans arrêt la moindre bêtise dans un raisonnement, dans une phrase chez ses contemporains, et il réagit vraiment avec violence contre ses contemporains. Il ne supporte rien ni personne, au fond, et donc vivre en société lui est très souvent difficile. Il a quelques amis, je le disais tout à l'heure, mais très peu, et il aime d'une certaine manière cette solitude. Donc pour George Sand, cette situation-là est tout de même assez éloignée de ce qu'elle conçoit de la vie. Elle voudrait l'attirer vers quelque chose de plus simple. Lorsqu'elle le réussit à ce qu'il vienne passer quelques jours à Nohant, évidemment, elle essaie de le distraire, elle essaie de faire en sorte qu'il ne soit plus question de littérature. Mais Flaubert ramène toujours toutes les conversations à la littérature. La littérature étant pour lui, finalement, cet idéal de beauté dont parle là George Sand, qu'il ne trouve pas dans la réalité. Mais elle arrive à le convaincre parfois. Elle lui dit que peut-être il faudrait quand même qu'il se marie parce que ça pèse d'être seul. Et il le reconnaît de temps en temps. Il dit c'est vrai, j'adorerais avoir des petites filles aussi dont je m'occuperais, parce qu'elle fait l'éloge de la maternité en disant mais avec des enfants vous ne serez jamais seul. Lui qui veut être seul. On atteste la correspondance. Plus la correspondance est fournie, plus la personne qui rédige les lettres est seule, généralement, puisqu'on écrit à des gens qui ne sont pas là. Eh bien, lui-même semble vaciller légèrement. Il dit, c'est vrai, j'aurais adoré avoir des enfants, j'aurais adoré avoir une femme que j'aime, mais voilà, c'est ainsi. Oui, quand on lit la correspondance entre Flaubert et Sand, on se rend compte que l'échange de lettres est principalement daté de la dernière décennie de la vie de George Sand, en gros entre 1866 et 1876, et on se rend compte que plus le temps passe, plus Flaubert se rapproche, presque malgré lui, des positions de George Sand. On évoquait tout à l'heure le fils de George Sand, Maurice Sand. C'est vrai que au moment où George Sand disparaît, il a le sentiment qu'il aurait peut-être dû vivre comme Maurice Sand, avoir une mère comme Maurice Sand, avoir une femme comme Maurice Sand et avoir des enfants comme Maurice Sand. Et il y a sur les toutes dernières années de la vie de Flaubert une sorte de regret, peut-être n'a-t-il pas fait les bons choix de vie. Et en gros, il l'écrit, il le reconnaît. Mais soyons là aussi relativement honnêtes par rapport à cette position de Flaubert, considérons que cette position, il l'adopte dans les 5 ou 6 dernières années de sa vie, donc très peu de temps. C'est là, je voulais dire, c'est la vieillesse qui le ramollit. Alors, oui, d'une certaine manière, oui, et c'est aussi un petit peu dans certaines lettres ce que George Sand sous-entend. Mais je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que les amis de Flaubert sont très nombreux à être mort dans les 10 dernières années. Il a perdu Louis Bouilhet, ce poète dont il disait qu'il était l'accoucheur de son œuvre. Il a perdu Jules de Goncourt, il a perdu Michelet, il a perdu Ernest Feydeau. Il y a énormément de morts autour de lui. Et un mort qu'il faut citer tout de même, parce qu'il est très important pour Flaubert, c'est Théophile Gautier. Il y a énormément de morts autour de lui et il a le sentiment d'être un petit peu le dernier d'une génération. Dans une autre correspondance assez riche entre Flaubert et Edmond de Goncourt cette fois, les deux hommes jouent justement un peu cette posture du vieil écrivain appartenant à une génération dépassée, et les deux hommes ont tendance à considérer qu'ils sont deux vestiges. Donc ça pourrait expliquer aussi chez Flaubert cette manière de mieux entendre les recommandations de Sand, en tout cas mieux les entendre qu'il ne le faisait quelques années auparavant. Parlons politique, puisque c'est le cas entre Flaubert et Sand. Bien souvent, vous avez dit, Flaubert reproche à Sand son socialisme, ce qui est pour lui le terme est abject, hein, il ose à peine le prononcer. On va entendre une lettre qu'il lui envoie, enfin qu'il rédige le 7 octobre 1871, pour bien comprendre exactement quelles sont les objections que Flaubert lui adresse. Et ce sera l'occasion aussi de préciser quelle est la conception que Flaubert a de la politique de son temps. Cher maître, j'ai reçu votre feuilleton hier, et j'y répondrai longuement si je n'étais au milieu des préparatifs de mon départ pour Paris. Le milieu de votre article m'a fait verser un pleur, sans me convertir, bien entendu. J'ai été ému, voilà tout, mais non persuadé. Je cherche chez vous un mot que je ne trouve nulle part, justice. Et tout notre mal vient d'oublier absolument cette première notion de la morale, et qui, selon moi, comporte toute la morale. La grâce, l'humanitarisme, le sentiment, l'idéal nous ont joué d'assez vilains tours pour qu'on essaie du droit et de la science. Si la France ne passe pas d'ici à peu de temps à l'état critique, je la crois irrévocablement perdue. L'instruction gratuite et obligatoire n'y fera rien qu'augmenter le nombre des imbéciles. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est une aristocratie naturelle, c'est-à-dire légitime. On ne peut rien faire sans tête, et le suffrage universel tel qu'il existe est plus stupide que le droit divin. Vous en verrez de belles si on le laisse vivre. La masse, le nombre est toujours idiot. Je n'ai pas beaucoup de convictions, mais j'ai celle-là, fortement. Cependant, il faut respecter la masse, si inepte qu'elle soit, parce qu'elle contient des germes d'une fécondité incalculable. Donnez-lui la liberté, mais non le pouvoir. Je ne crois pas plus que vous aux distinctions de classe. Les castes sont de l'archéologie. Mais je crois que les pauvres haïssent les riches et que les riches ont peur des pauvres. Cela sera éternel. Prêcher l'amour aux uns comme aux autres est inutile. Le plus pressé est d'instruire les riches, qui en somme sont les plus forts. Cependant, je ne suis pas découragé comme vous, et le gouvernement actuel me plaît parce qu'il n'a aucun principe, aucune métaphysique, aucune blague. Je m'exprime très mal. Vous méritez pourtant une autre réponse, mais je suis fort pressé, ce qui ne m'empêche pas de vous embrasser très fortement. Votre vieux troubadour. Pour moi, le plus sociologue des romanciers, c'est Flaubert, ce qui surprend souvent, puisque c'est en même temps l'inventeur du roman formel, etc. Et Flaubert est le plus réaliste sociologiquement de tous les romanciers, en particulier dans l'éducation sentimentale, et parce qu'il est formel. Je pense que le travail de recherche formel dans le cas de Flaubert a été l'occasion de retour du refoulé social, et Flaubert a, à la faveur d'une recherche purement formelle, enfin d'un roman pur, d'un roman qui ne soit pas simplement le raconter une histoire. Bon. Il a fait un travail qui d'ailleurs lui coûtait 1000 morts. Enfin bon, il faut lire la correspondance. Enfin bon, un travail qui consistait à expectorer, j'allais dire, bon, sa propre expérience du monde social et à faire une objectivation de la classe dominante finalement de son temps, qui rivalise avec les plus belles analyses historiques. On a dit naïvement, Flaubert s'identifie à Frédéric, est-ce que Flaubert c'est Frédéric, etc. Flaubert produisait le roman d'un personnage qui occupait la même position que Flaubert dans l'espace social, et qui, occupant cette position, n'arrivait pas à écrire un roman. Alors Thierry Poyer, Flaubert aurait sans doute, n'aurait pas repris à son compte le mot de formel que lui attribue Bourdieu, parce que Flaubert veut justement montrer qu'il ne voulait pas distinguer la forme du fond. Oui. Cela dit, l'analyse que propose Bourdieu de Flaubert, premier romancier sociologue, n'est pas sans lien avec la lettre que nous avons entendue avant. Est-ce que vous pensez que le positionnement politique de Flaubert peut aussi s'expliquer par son positionnement social et donc c'est une sorte de méthode sociologique qu'il mettrait en œuvre dans son travail? Alors, les analyses de Pierre Bourdieu sont passionnantes, hein, et le livre qu'il a publié sur Flaubert, évidemment, a beaucoup apporté aux études flaubertiennes. La situation de Flaubert, du point de vue politique, est très très complexe aussi, et c'était évidemment un point d'achoppement dans la relation qu'il a pu avoir avec George Sand. Flaubert est quelqu'un qui ne se mêle pas de politique, en tout cas c'est ce qu'il prétend, ce qui n'empêche pas, il l'écrit aussi dans certaines de ses lettres, d'avoir ses idées à lui sur... Ah bah là on les entend clairement. Voilà, oui. Sur la politique, et on sait au fond que ses idées sont des idées relativement conservatrices. Aujourd'hui on n'hésiterait pas parfois à le qualifier de réactionnaire. Moi j'ai envie de, même si l'étiquette est un petit peu compliquée, mais j'ai envie plutôt d'en faire quelqu'un qui serait proche d'une sorte d'anarchie de droite, mais on pourra revenir là-dessus. Disons que Flaubert a sous le Second Empire, donc entre 1852 et 1870, pendant que Victor Hugo file en exil et s'oppose à Napoléon le Petit, Flaubert, lui, n'a qu'une envie, soyons honnêtes, c'est exister littérairement. Donc ça commence mal avec le procès que lui fait le Second Empire pour Madame Bovary, et puis ça va se terminer de manière bien plus agréable, puisqu'il sera même décoré de la Légion d'honneur en 1865. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une manière pour Flaubert, au fond, de faire avec la politique de l'époque. Et Flaubert, comme d'autres écrivains de l'époque, va être très proche de la princesse Mathilde, qui est au fond, d'une certaine manière, le bras armé, culturellement parlant, de l'empereur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que George Sand, elle, suit en quelque sorte une évolution quasiment opposée. En 1848, elle est très impliquée politiquement. Et plus le temps passe, plus elle tend à se détacher de la politique. Et lorsque la chute de l'Empire intervient en 1870, lorsque la Commune va évidemment bouleverser Paris, George Sand, cette fois, est dans une sorte de désillusion un peu passive. Elle constate les dégâts, elle constate au fond que toutes ces idées politiques que Flaubert qualifie d'utopie, oui. Au fond, que toutes ces utopies sont en train de s'écrouler. Mais George Sand, cette fois, a renoncé. Le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, elle a choisi finalement de mettre la politique en action, et elle va faire de la politique peut-être davantage à Nohant, avec les paysans qui sont autour d'elle, avoir une politique finalement sociale dans son petit environnement. Et donc, il y a un engagement de la part de George Sand. Il y a toujours eu un engagement. Elle va patronner aussi de nombreux écrivains. Mais cet engagement tend à s'atténuer. En tout cas, il est moins fort, il est moins virulent, et la Commune est une grande déception pour George Sand. Bien entendu, pour Flaubert, la Commune est une satisfaction, au sens où, avec les communards, il a le sentiment de voir, en quelque sorte, toutes ces théories être finalement couronnées dans la mesure où la Commune va être rejetée et où toutes les exactions commises par les communards, pour Flaubert, ça lui donne raison. Ça lui donne raison au sens où, évidemment, il ne faut pas aller du côté de l'égalité, il faut faire prévaloir la liberté. Et Flaubert l'écrit dans un certain nombre de lettres à George Sand, ce qui compte, c'est la liberté, c'est l'instruction, mais attention, la liberté, l'instruction des élites. Parce que, oui, c'est ça. Bien sûr, parce que pour Flaubert, il faut qu'une élite soit vraiment distinguée dans le pays, soit en mesure de diriger le pays. Il parle d'élite, hein, c'est un mot qu'il emploie, il parle de mandarin aussi, mais au fond, d'autres aujourd'hui parleraient de premier de cordée, on est dans le même esprit, il faut qu'il y ait vraiment un groupe qui dirige le pays et qui entraîne derrière lui, au fond, le peuple. Le mot de peuple, chez Flaubert, est un mot relativement péjoratif. Il n'aime pas le peuple, il en a probablement peur, comme un certain nombre de bourgeois de l'époque, parce que il faut bien le rappeler, Flaubert est un héritier, hein, au sens bourdieusien. Hein. C'est à la fois un héritier économique, parce que son père va lui laisser une véritable fortune, et puis c'est un héritier au sens culturel, bien sûr, hein, au sens bourdieusien. Il ne cesse de se plaindre d'être ruiné, cela dit, Flaubert. Oui, mais ça, c'est parce que il a fait, lui, de mauvais investissements, et les mauvais investissements qu'il a fait contribuaient simplement à financer la société du mari de sa nièce. Ah, c'est donc, ça. Donc, il a perdu en réalité toute la fortune que lui a laissé. Parce que George Sand propose même de lui venir en aide à un moment, de sauver Croisset, voilà, sa maison qu'il s'apprête à perdre. Voilà. Mais le chirurgien Achille Cléophas Flaubert, le père de l'écrivain, meurt 30 ans plus tôt, il laisse à ses enfants une véritable fortune, très très importante, et cette fortune permettra notamment à Gustave Flaubert de vivre en rentier toute sa vie, de n'avoir jamais aucune activité rétribuée, et de pouvoir se consacrer à la littérature. Ce qui aide, bien sûr. Tandis que George Sand, elle, justement, avait besoin tout de même de gagner de l'argent par ses livres. Donc, politiquement, pour Gustave Flaubert, le rentier, il y a une peur du peuple, il y a une peur de la politique. Et quand il verra défiler au moment de la chute de l'Empire, au moment de la Commune, les pauvres sous ses fenêtres, il n'hésite pas à écrire que s'il osait, il sortirait le fusil et il tirerait dessus. On en est là. Donc, évidemment, ça choque considérablement George Sand. Mais George Sand, et on l'entend dans certaines des lettres qu'elle lui écrit, commence en quelque sorte à s'avouer battue. Elle commence à comprendre que, quels que soient les arguments qu'elle avance, quels que soient ses raisonnements, elle ne parviendra pas à convaincre Gustave Flaubert du bien fondé de ses positions à elle. Mais Flaubert, alors c'est vrai qu'on passe son temps à se demander en lisant ses lettres, ce qui relève de la défense, comme vous le disiez, c'est son statut social qui est menacé, donc le peuple lui fait peur, et ce qui relève de la conviction idéologique et politique, et bah, il y a des deux, hein, semble-t-il, mais ce qu'il dit sur la masse, le nombre qui serait toujours idiot, sur le fait que le suffrage universel est plus stupide que le droit divin, il y a une condamnation très très féroce du peuple que l'on retrouve dans ses romans, et pourtant, il en fait quasiment les personnages principaux, c'est ça qui est passionnant chez lui, la bêtise, il l'aborde, et il ne cesse d'écrire, de vouloir y revenir dans Bouvard et Pécuchet, dans les personnages aussi de l'éducation sentimentale, il était obsédé parce qu'il rejetait et il en faisait le sujet de sa littérature. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a une véritable obsession de la bêtise chez Flaubert qui contamine en quelque sorte toutes ses œuvres, et en tout cas les œuvres qu'on lit le plus aujourd'hui, les œuvres dites contemporaines. Dans Madame Bovary, tout le monde a en tête le personnage du pharmacien Homais, bien entendu. Dans l'éducation sentimentale, tout le monde a en tête le banquier d'Ambreuse qui est très frileux et très bête aussi. Dans Bouvard et Pécuchet, évidemment, on voit toute une flopée de personnages très bêtes, et ce ne sont peut-être pas Bouvard et Pécuchet les plus bêtes d'ailleurs. Non, mais passer autant de temps à décrire la bêtise, c'est amusant quand même de voir. Mais parce que pour Flaubert, au fond, la bêtise est omniprésente. Elle l'entoure, elle l'accable. Et même chez son ami George Sand, il a le sentiment bien souvent que c'est la bêtise qui parle. Il reprochera à George Sand ce qu'il appelle son bénissage perpétuel. Parce que pour George Sand, au fond, il y a une telle volonté de bienveillance, d'empathie, qu'elle cherche toujours à excuser les autres, à trouver des circonstances atténuantes et à essayer d'entraîner même les plus bêtes, même les plus méchants vers le bien. Pour Flaubert, tout cela n'a pas de sens. Il faut savoir condamner, il faut savoir rejeter, il faut savoir mépriser. Toi, à coup sûr, tu vas faire de la désolation et moi, de la consolation. Je ne sais à quoi tiennent nos destinées. Tu les regardes passer, tu les critiques, tu t'abstiens littérairement de les apprécier, tu te bornes à les peindre en cachant ton sentiment personnel avec grand soin, par système. Pourtant, on le voit bien à travers ton récit et tu rends plus tristes les gens qui te lisent. Moi, je voudrais les rendre moins malheureux. Je ne puis oublier que ma victoire personnelle sur le désespoir a été l'ouvrage de ma volonté et d'une nouvelle manière de comprendre, qui est tout l'opposé de celle que j'avais autrefois. Je sais que tu blâmes l'intervention de la doctrine personnelle dans la littérature. As-tu raison ? N'est-ce pas plutôt manque de conviction que principe d'esthétique ? L'art n'est pas seulement de la peinture. La vraie peinture est d'ailleurs pleine de lames qui poussent la brosse. L'art n'est pas seulement de la critique et de la satire. Critique et satire ne peignent qu'une face du vrai. Moi, je veux voir l'homme tel qu'il est. Il n'est pas bon ou mauvais. Il est bon et mauvais. Mais il est quelque chose encore. La nuance. La nuance qui est pour moi le but de l'art. Étant bon et mauvais, il a une force intérieure qui le conduit à être très mauvais et peu bon, ou très bon et peu mauvais. Il me semble que ton école ne se préoccupe pas du fond des choses et qu'elle s'arrête trop à la surface. À force de chercher la forme, elle fait bon marché, trop bon marché du fond. Elle s'adresse aux lettrés, mais il n'y a pas de lettrés proprement dit. On est homme avant tout. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Comment mieux résumer leur opposition à Thierry Poyet, Georges Sand écrit, c'était la lettre du 18 décembre 1875. Toi, tu vas faire de la désolation et moi de la consolation. Cette lettre est extraordinaire. On y entend vraiment l'exposé de l'esthétique selon George Sand et d'une, je dis extraordinaire, aussi d'une modernité assez surprenante. L'éloge de la nuance qu'elle fait, on trouvera la même chose chez Camus, beaucoup plus tard. Oui, tout à fait. Cette lettre, elle est formidable et en même temps, moi, je la lis encore une fois comme un aveu d'échec pour George Sand. Elle n'a pas réussi, pense-t-elle, à convaincre Flaubert d'aller vers autre chose. Et c'est assez intéressant de voir que, en réalité, il y aura deux projets en quelque sorte opposés qui vont caractériser leurs deux correspondances. En même temps qu'elle écrit à Flaubert « Tu vas faire de la désolation et je vais faire de la consolation », il ne faut pas oublier que George Sand, qui s'avoue battu en quelque sorte, elle ne l'a pas convaincu, je disais, va proposer à Flaubert un livre, un sujet de livre. Elle va lui proposer de faire le livre de l'artiste. Mmh. Si vous me permettez, j'ai la citation là sous les yeux. Elle lui écrit « L'artiste est un si beau type à faire que je n'ai jamais osé le faire réellement. Je ne me sentais pas digne de toucher à cette figure trop belle et trop compliquée. C'est visé trop haut pour une simple femme. » Elle reprend la misogynie de Flaubert à son compte et elle ajoute « Mais ça pourra bien vous tenter quelques jours et ça en vaudra la peine. Où est le modèle? Vous devriez vous peindre. » Donc, George Sand, à ce moment-là, considère qu'elle ne parviendra pas à le convaincre et au fond, elle lui propose de s'enfermer à double tour dans ce qui l'obsède, cette figure de l'artiste au-dessus du monde, au-dessus de ses contemporains, au-dessus de la bêtise. Mmh. Et ce qui est très étonnant, c'est que Flaubert, à contrario de cette proposition, projette, lui, un tout autre roman. Il ne fera jamais ce roman de l'artiste, il s'y refuse, et en revanche, il va écrire les fameux trois contes, mais il va écrire surtout dans les trois contes celui que l'on connaît le mieux, qui est un cœur simple, avec ce personnage de Félicité, et il annonce à George Sand, on est, il faut bien le souligner, le 29 mai 1876, donc quelques jours avant la mort de l'écrivaine, il lui annonce « Vous verrez par mon histoire d'un cœur simple, où vous reconnaîtrez votre influence immédiate, que je ne suis pas si entêté que vous le croyez. » Autrement dit, Flaubert a considéré, à la fin de leur relation épistolaire, il sait que George Sand est très malade, il sait qu'elle va bientôt mourir, et il a envie, au fond, de lui faire plaisir et il annonce très clairement qu'il va composer un cœur simple pour lui faire plaisir. Alors, l'ironie du sort fait que George Sand meurt avant que le conte ne soit écrit, avant que Flaubert ne le publie. George Sand ne lira jamais un cœur simple. Mais c'est assez intéressant de voir comment les deux écrivains, au fond, ici, ont osé chacun faire un pas dans la direction de l'autre, bien convaincu, en effet, que l'un serait toujours du côté de la désolation et l'autre toujours du côté de la consolation. Ce qui est le signe des amitiés fructueuses, hein, quand on commence par, enfin, quand on finit plutôt par adopter les positions de notre ami alors qu'on y était opposé. Alors, c'est difficile de lire ces lettres-là sans essayer de scruter les intentions, puisque là on parle d'une correspondance et pas d'un roman. C'est-à-dire on se demande toujours, mais est-il de bonne foi? Et c'est difficile de dépsychologiser la lecture des lettres. Comment est-ce que vous faites, Thierry Poyet? Vous considérez la correspondance comme une œuvre littéraire? Oui, vous avez un autre regard que sur le reste. Non, je crois qu'une correspondance, et a fortiori une correspondance comme celle-là, qui est vraiment envahie dans certaines des lettres par une charge émotionnelle très très forte, je crois qu'il faut savoir en effet regarder ce texte-là comme un texte de témoignage. Ça n'est pas une œuvre littéraire. Certaines des lettres sont écrites tard dans la nuit pour Flaubert, après justement l'écriture de l'œuvre littéraire. C'est un moment pour lui où il peut décompresser en quelque sorte, où il peut lâcher un peu justement à la fois ses émotions et puis son fameux moi dont nous parlions tout à l'heure. Donc il y a une écriture sans filtre bien souvent dans certaines de ses lettres. Et du côté de George Sand, il en va à peu près de même. On est dans une œuvre parce que, évidemment, nos deux écrivains là gardent une plume formidable, parce que nos deux écrivains ont une intelligence, au fond, de l'homme et de l'époque qui est exceptionnelle. Donc ça reste une écriture exceptionnelle, mais on n'est pas dans l'œuvre littéraire. Et d'ailleurs, George Sand, au moment de la Commune, dans les années 70-71, va profiter des épisodes politiques pour récupérer une des lettres qu'elle a adressées à son ami et la publier dans un journal de l'époque. Gustave Flaubert, au fond, n'ose pas se fâcher, mais on le sent très en colère parce que, justement, le discours épistolaire n'est pas public à ses yeux. Mais c'est toute la question que les lecteurs contemporains peuvent se poser très légitimement. Est-ce que George Sand et Gustave Flaubert auraient aimé nous savoir en train de lire et de parler de leur correspondance pendant une heure sur la radio publique? On sait que Flaubert a brûlé beaucoup de lettres. Il a brûlé beaucoup de lettres. Sa nièce, qui était son héritière, a brûlé beaucoup de lettres parce que certaines lettres donnaient une image de l'homme qu'elle ne voulait pas voir diffusée publiquement, parce que certaines lettres pouvaient montrer des amitiés avec des penchants homosexuels, par exemple, avec des déclarations peut-être un petit peu gênantes. Mais on en parlera demain, ça, figurez-vous, avec Jacques Weber, de ces lettres sulfureuses. Voilà, il y a des choses tout à fait passionnantes de ce côté-là. Donc, il y a des lettres qui ont été brûlées. Et je disais des lettres qui ont été brûlées par Flaubert lui-même. Pour beaucoup d'écrivains du XIXe siècle, il y a à la fois la volonté de garder une trace de ces échanges dont ils mesurent eux-mêmes, et Flaubert le premier, George Sand la première, dont ils mesurent eux-mêmes le caractère exceptionnel. Et en même temps, bien entendu, il y a une crainte terrible de voir l'intimité être exposée. Donc cette ambivalence, elle est toujours compliquée. En même temps, il va de soi que... si on redoute trop l'exposition publique, il faut en effet faire disparaître soi-même toutes les lettres à temps. Donc, dans quelle mesure, là encore, il relèverait d'une posture? Bon, c'est compliqué. Bon, on s'en accommode parce qu'on est bien heureux aujourd'hui pour lire cette correspondance. Absolument. Je renvoie d'ailleurs à cette correspondance George Sand, Gustave Flaubert, aux éditions Le Passeur. Tu aimes trop la littérature, elle te tuera. C'est le titre du recueil. On trouve, alors si ce n'est toutes les lettres, du moins une grande partie. Je renvoie aussi à votre biographie, Thierry Poyer, de Flaubert, publiée aux éditions Ellipse. Et vous avez fait paraître, cette année, je crois, parce que tu es également romancier, ce que Camus, on le retrouve, ne m'a pas appris, aux éditions Ramsay. On mettra tous ces livres en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci d'être venu nous parler de Flaubert ce matin. Merci à vous, c'était un plaisir. On se quitte, on reste dans la correspondance, mais cette fois-ci, celle de Mireille. On m'a remis 12 lettres, cher monsieur, de votre part. Je dois vous faire reconnaître que mon cœur à votre égard reste froid comme un lézard. Vous avez beau, quand je vous vois, me supplier à mi-voix. Vous avez beau la nuit, le jour, me téléphoner votre amour. Vous avez beau pour me fléchir, pousser des cris, des soupirs. Vous avez beau m'offrir des fleurs, mais des bijoux baignés de pleurs. En suppliant, à mes genoux. Oh, c'est effrayant, mais ça ne me fait rien du tout. Vous avez beau, trois fois par mois, vouloir vous prendre pour moi. Mon cher monsieur, c'est votre droit. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mireille sur France Culture, les chemins de la philosophie, après Flaubert et George Sand, et avant Aurélien Bélanger. C'est l'heure de la question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. On demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour chère Adèle. Voici votre question. Ce matin, d'où vient que les antispécistes nous agacent? Bon, c'est une formulation peut-être un peu générale, il n'agace peut-être que moi. En tout cas, je ne crois pas que ce soit une question de viande. J'arrive à peu près à m'en passer sans souffrance, nonobstant quelques knackis ici ou là, spécialité terriblement pratique, malgré les yeux si tristes des pauvres cochons. Je suis d'ailleurs résolument contre la souffrance animale et j'interdis à mes enfants d'écraser des fourmis. Non, ce qui me gêne avec l'antispécisme est d'ordre métaphysique, voire religieux, peut-être. Je ne sais plus quel philosophe imagina cet argument astucieux pour démontrer l'inexistence de Dieu, argument qui reposait sur une biche mourant dans d'atroces souffrances sans que personne n'en soit témoin pour l'édification d'aucune âme. Ce serait là d'une cruauté intolérable, même les animaux torturés des vidéos de L627 ne meurent pas aussi inutilement s'ils participent expiatoire à une prise de conscience générale sur la souffrance animale. Oui, le problème c'est qu'ils ne sont pas tous filmés. Certes, mais si on les mange, on ne peut pas non plus tenir leur mort pour absolument inutile. Reste que, dans un élan théologique pas assez remarqué, Walt Disney, en produisant Bambi, a rendu la mort d'une biche au monde des sentiments humains, de toutes les biches peut-être. Avec cependant ce bémol que le bilan humain du film, en rendant la chasse aux serins populaires, ne serait pas tout à fait nul, des parasites auraient profité de la surabondance de cette hôte intermédiaire pour contaminer des enfants innocents. Mais on est là au cœur de ce qui m'intéresse dans la question de l'antispécisme, celle d'un continuum biologique entre les animaux et l'homme. Après tout, notre parasite est, lui, rigoureusement antispéciste, position biologique normale que les antispécistes voudraient mettre au fondement de leur morale, une morale qui reposerait sur la reconnaissance d'une unité sensible entre les vivants. Mais, de façon assez inattendue, c'est chez un auteur chrétien, donc chez quelqu'un pour qui la notion d'âme est un empêchement radical à l'antispécisme, que j'ai trouvé la meilleure formulation de ce que pouvait être vraiment une pensée de la grande unification, surnaturelle plutôt que naturelle, spirituelle plutôt que simplement morale, entre les hommes et les bêtes. Et alors Aurélien, attention d'entendre le retour de votre micro qui frotte sur la joue. Dites-nous quel est cet auteur surtout ? Eh bien, il s'agit de Léon Blois qui fait dialoguer dans La Femme pauvre son héroïne avec son double littéraire justement sur la question des bêtes. Celui-ci, considérant que si les bêtes souffraient jamais vraiment, c'était en nous, comme Adam aurait donné leur nom aux bêtes, nous serions aussi les dépositaires de leur âme. Mais pourquoi souffrent-elles ? Demande alors Clotilde. Et la réponse de l'écrivain est fabuleuse, plus fabuleuse que ne sera jamais aucun récit de naturaliste. Vous voudriez savoir quelle est leur récompense ou leur salaire ? Si je le savais, je serais Dieu lui-même, car je saurais alors ce que les animaux sont en eux-mêmes. N'avez-vous pas remarqué que nous ne pouvons apercevoir les êtres ou les choses que dans leur rapport avec d'autres êtres ou d'autres choses, jamais dans leur essence ? Autrement dit, l'antispécisme, en se concentrant sur le rapport des choses entre elles, en prétendant nous relier directement aux bêtes, est encore pour Blois une pensée de la séparation. Et on se dit, à le lire, qu'il est là le véritable défaut de cœur des antispécismes. Il voudrait fonder la morale sur ce qui nous relie aux bêtes, alors que l'unique fondement de la morale, c'est que nous sommes interminablement témoins de ce qui nous sépare. Donc pour répondre à votre question initiale, vous dites que les antispécistes vous agacent car vous les trouvez cruels avec les animaux. Eh bien oui, c'est exactement cela, cruel en imagination, en manque d'imagination. Ils ont une façon paresseuse, parasitique, de les unir à nous, là où Blois, dans l'une de ces brusques percées mystiques dont il a le secret, contemplant eux des infinis aussi lointains qu'enveloppants, les animaux sont, dans nos mains, les otages de la pensée céleste vaincue. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.